J'ai débarqué dans ce putain de bled parce que ma mère voulait me voir riche. Plus tard pour pas que je finisse à taf et à la voirie. Malheureusement, c'est pas déroulé comme prévu. J'ai eu des échecs prévus, le système m'a niqué. J'ai eu des moments où je te jure négro, j'ai paniqué. Comment dire à ma rhum, j'aurais pas la fortune. Lui dire que mes espoirs sont dans la roue de la fortune. C'est peine perdue d'espérer, cousin dans mes poches. J'ai juste de quoi lui offrir un sac de pain perdu. Les braquages, les chiffres, j'y ai songé. Mais finalement le songer, préférer faire les conneries. Les gardes à vue, j'ai dû une fois pour tout éponger. Mais t'inquiète, j'ai gardé ma paire de coronets attachée. Et au fond de moi, la haine d'une hyène d'acheter. Renoir protège ton dos, méfie-toi de l'eau qui dort. Car ici bas partout, le chétan veut t'acheter. Tout ce que j'aurais pas, la fortune, la vénération des potes et une go fiable. Dans cette putain de génération, tout ce qui me reste, le rap, les samples. Des frères jaloux et morts, vu que dehors le sang pleut. Tout ce que j'aurais pas, la fortune, la vénération des potes et une go fiable. Dans cette putain de génération, tout ce qui me reste, le rap, les samples. Des frères jaloux et morts, vu que dehors le sang pleut. Tout ce qui me reste, cousin, je vais pas te mentir. Quitte à en pâtir, faut que je fasse du cash avant que je m'apprête à partir. Tout ce qui me reste, le sexe, j'ai même plus d'amour. À force dans la rue à vouloir jouer les Roger Moore. Pas de diplôme assuré, dans des lycées fissurés. On fait avec, mais que veux-tu que je fasse? C'est pas ma patrie, donc faut même pas qu'on me rapatrie. Sinon, que je vais faire au plaid, dis-moi, de la poterie. Sottise, tu vois, galère, où les jeunes immigrés, pas un négrier, qu'on traite de jeunes sottises. Fume des joints, braque, baise et se surine. Urine sur le respect et se prennent pour des figurines. Entre parenthèses, devant cette putain de merde, y'a plus rien à faire, regarde même les parents taisent. En ce qui me concerne, je suis arrivé en France clean. Sans me douter qu'ici Saint-Ain se croive à Brooklyn. Certains sont crispés et croivent plus leur mère quand on leur dit que la foi en Jésus crispé. Ça fait flipper, y'a trop de haine, trop de nos frères s'éteignent. Trop de bâtards en France métropolitaine. Enfoiré, mes textes reflètent tout ce qui se passe ici. C'est pas du bluff, j'ai même pas le temps d'enfoirer. On s'est dit avec chaque pote, chaque frère, que si on doit partir d'ici, c'est avec le Jack. Tout ce que j'aurais pas, la fortune, la vénération des potes et une go fiable. Dans cette putain de génération, tout ce qui me reste, le rap, les samples. Des frères jaloux et morts, vu que dehors le sang pleut. Tout ce que j'aurais pas, la fortune, la vénération des potes et une go fiable. Dans cette putain de génération, tout ce qui me reste, le rap, les samples. Des frères jaloux et morts, vu que dehors le sang pleut. Le sang pleut, t'as pas compris, pourtant c'est simple. On est dans la merde jusqu'au cou, moi et mes congénères. Y'a rien à foutre, faut qu'on s'en sorte avec l'énergie qu'on génère. Pas question d'être faux, de retourner ma vestime. J'investis dans le rap malgré la petite poignée qui m'estime. Y'a que ça à faire, faut pas que ça t'embouche un coin. Tout ce qui me reste, c'est des frères nerveux postés dans tous les coins. Dru, écoute partout, c'est la même, mais qu'est-ce t'as cru? Tout ce qui me reste pour m'exprimer, c'est le langage cru. La vie est un film, on a choisi la mauvaise séquence. Pas besoin que je te dise que 15% de français pense. Faut t'aller faire sa maille avant d'en subir les conséquences. J'aurai jamais le respect de tous, vu la couleur de ma peau. Vu qu'il y en a qui se croivent encore employé de la Gestapo. Je deviens méfiant, m'accroche à la parano. Vu que le traître est neuf, trois sont reliés parano. Y'a plus qu'au cinéma qu'on peut rêver d'une go clean, de potes fiables, de bifton, de succès, vu tout ce que j'aurais pas, la fortune, la vénération des potes et une go fiable. Dans cette putain de génération, tout ce qui me reste, le rap, les samples. Des frères jaloux et morts, vu que dehors le sang pleut. Tout ce que j'aurais pas, la fortune, la vénération des potes et une go fiable. Dans cette putain de génération, tout ce qui me reste, le rap, les samples. Des frères jaloux et morts, vu que dehors le sang pleut.